Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore à CKRL 89.1 sur le poste et sur la toile à ckrl.qc.ca. Gaëtan Gosselin au microphone. J'ai réuni ce soir des créations sonores assez récentes qui sont toutes construites autour du potentiel de la voix à des fins très singulières. Bon, la voix comme outil, peut-être même comme levier de transformation politique, comme nous le propose depuis plusieurs années la compositrice et artiste sonore Joanne Etu, qu'on va entendre en deuxième partie d'émission. La voix comme outil de réminiscence et d'exploration identitaire et culturelle, comme nous le suggère le beau travail de l'artiste et musicienne kényane Niokabi Kariuki. Et la voix comme outil d'expérimentation d'un lieu, comme nous le propose Martha Fosberg, avec laquelle je lance l'émission de ce soir. Martha Fosberg est une artiste sonore, une musicienne suédo-polonaise installée à Berlin. Son travail explore les thèmes du langage et de la mémoire humaine, avec un intérêt particulier pour les interactions entre les voix humaines et les voix de synthèse. Le projet qu'elle nous propose aujourd'hui s'intitule « Junger for Varandra », qui se traduirait par « Chanter pour l'autre », un projet qui se veut une exploration de ses racines et de ses souvenirs à partir des lieux de l'enfance, un village, un tunnel. L'œuvre, présentée en 6 parties, dont je vous propose ce soir des extraits, est construite autour de la voix de son frère, Thomas, que Martha Fosberg a enregistré dans un tunnel sous les voies ferrées du centre de Härnösand, son village natal. Ces enregistrements d'une mélodie pour 5 voix, d'hommes notamment, toutes interprétées par Thomas, sont captées dans le tunnel, se mêlent à des enregistrements studio de sa voix, ainsi qu'à des extraits de conversations, des éléments électroniques, tout ça assorti des cordes de Martha Fosberg et des percussions de Bex Birch. Alors, on écoute ça, un enchaînement tiré de ce projet, beau projet, intitulé « Chanter pour l'autre » de Martha Fosberg. Set. Thank you. Du har en kompis som kommer från Stockholm. Tåget? Ja. Om 40 minuter. Eller, han säger någonting. Han säger någonting. Ja. När det börjar säga för mycket då. Vad kan vi köra? Är du fin med att sjunga det som du vill sjunga? Ja, absolut. Vilken är du sjunga? Bas 1. Bariton 1? Ja. Hur kör du? Jag sjunger bariton 2. Ja. Make it sound further away. Exactly. But you can't make it sound closer. That's true. We might do a little like I might turn down the thank you. sorry about waiting for you. Vous écoutez L'Accroche-Oreille, une aventure sonore sur les ondes de CKRL. On vient d'entendre le très beau travail de la suédo-polonaise Marta Fosberg, projet intitulé « Chanter pour l'autre », je traduis ça du suédois, qu'on retrouve sur le label Warm Winter. Maintenant, toujours dans cette veine de projets inspirés du potentiel de la voix, on va écouter un beau projet d'une artiste et compositrice kényane qui a pour nom Niakobi Kariuki et qui exploite la voix humaine, sa voix à elle, comme outil de réminiscence et d'exploration identitaire, voire culturelle. L'album que je vous présente s'intitule Peace Places, Kenya Memories. C'est un album autobiographique, je pense qu'on peut dire ça, de Niakobi, qui nous remémore ses souvenirs formés tout au long de son éducation au Kenya et qui nous transporte dans ce pays à l'aide de sonorités captées sur le territoire de l'enfance, assorties de claviers, de kalimbas, de sonorités électroniques et de langues parlées telles que l'anglais, le Kiswahili, le Kikuyu et le Maa. Chaque morceau raconte Niakobi Kariuki est basé sur un lieu spécifique du Kenya qui a eu beaucoup de signification, dit-elle, durant son enfance, les créations musicales provenant de repères visuels des lieux dont je me souviens. J'ouvre les guillemets, quand je vois une couleur, j'entends un certain son, dit-elle, c'est pourquoi l'art joue un rôle central dans la création de ce projet. Je referme les guillemets. Niakobi Kariuki est une compositrice et interprète kényane qui travaille entre le Maryland, New York et Nairobi. On dit que son imagination sonore est foisonnante, nous offrant des compositions allant de la musique classique contemporaine au chant choral, à la musique pop et à l'exploration de l'art sonore, tout ça inspiré des diverses traditions musicales d'Afrique de l'Est. Alors vous verrez, c'est un très beau moment qu'elle nous offre ce soir. Alors, on écoute ensemble un enchaînement de créations tirées de ce merveilleux album intitulé « Peace Places, Kenya Memories de Niokabi Kariuki. Tisa, Nane, Saba, Sita, Tano, Ine, Tatu, Ili, Moja, Ili, Tatu, Ine, Tano, Sita, Saba, Nane. Wananifundisha pole pole, lakini mimi pia najifunza. Tuele kwa kali, lakini tuliana maini, miwa, maparachichi. Lakini mimi funza. Pole, pole. Leo, tu es quoi kali lakini tujiona mahindi miwa tulizunguka shamba na parachichi yangu pole pole tu na parachichi. Shamba ya shoshuza lakini mimi pia tuwele kwa kahali lakini napende ilube yangu ya swahili ilube yangu ya swahili wana nifundisha pole pole lakini tuwele kwa kahali lakini nchifunza mimi ya mwai. It doesn't feel real, this place. It just doesn't. It just doesn't feel real. Et bien voilà ce qui complète la première demi de l'émission en compagnie de l'interprète et compositrice Nyokabi Karaoke, dont on retrouve les œuvres sur le label Scroll. Restez des nôtres, on poursuit ça avec celle qui a son mot à dire sur le plan artistique et social depuis plusieurs années. On se retrouve en compagnie de Joanne Itu. Vous écoutez CKRL. Vous écoutez La Croche-Oreille. Vous écoutez La Croche-Oreille sur les ondes de CKRL 89.1. Je vous rappelle que vous retrouverez la liste des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que toutes les émissions diffusées jusqu'à maintenant. Vous trouverez ça facilement sur la toile. Bon, à la suite de la première demi autour de ces voix aux mille finalités, il y en est de ces voix qui agissent comme levier de transformation sociale et politique, comme nous le propose depuis plusieurs années la compositrice, artiste sonore et féministe Joanne Itu. Figure incontournable de la création sonore du Québec, Joanne a participé à la formation de nombreux ensembles musicaux et sonores, dont le désormais célèbre Wonder Brass et l'ensemble Super Music, en plus de contribuer à la création de plateformes de rayonnement et diffusion des musiques d'expérimentation, des labels Ambiance Magnétique, Dame et Microclimat. D'abord, saxophoniste, alto, elle donne aussi corps à ses créations de sa voix, combinant, dira un critique, la flexibilité de l'un et l'urgence de l'autre en une symbiose qui lui est propre. Bon, c'est tout à fait dans la lignée de son dernier opus intitulé « Elle a son mot à dire », un enregistrement d'un concert live qui s'articule autour de nouvelles créations de textes et de chansons réorchestrées. Selon Daniel Palardi-Roger, il s'agit d'une succession de combinaisons de musiciens et musiciennes s'appropriant les mots de Joanne Itu pour les faire résonner, les propulser dans un univers fantaisiste qui mélange discours féministe, prise de parole et délire phonétique. Pas mal tout de même dans un même album. Alors, on écoute ensemble des extraits de ce beau projet de Joanne Itu qui a son mot à dire. On écoute ça. langue soif. Bouche crache, voici Goût mielleuse, moelleuse, rappeuse. Chacha ma la chante, par gala la mara ta voix, mi sou sou pa ma salavi, mi sou sou pa ma soupir, ma chacha chacha ma la chante, par gala la mara ta voix, mi sou sou pa ma salavi, mi sou sou pa ma soupir. Soupir, soupir, soupir. Je chante la meuse, conteuse. Go! M-O-L-A. Motadine, M-O-L-A. Mot à dire. M-O-L-A. Motadine, M-O-L-A. M-O-L-A. Motadine, M-O-L-A. Mot à dire, M-O-L-A. Motadine, M-O-L-A. M-O-L-A. Ah, mot à dire, mot elle a, mot elle a, mot à dire, mot elle a, mot à dire, mot elle a, mot elle a, mot à dire, mot elle a, mot elle a, mot à dire. Avoir des plumes ou des écailles ou des poils, avoir des plumes ou des écailles ou des poils. La tortue. La sirène. La mouche. La baleine. Sa pensée, sa pensée, sa pensée, sa pensée, sa pensée, sa pensée, sa pensée, sa pensée. Elle aurait pu être une baleine. Sa pensée, sa pensée, sa pensée, sa pensée. Un castor. Une petite chouette. Elle est tout entière dans sa tête. Les animaux sont tout entiers dans leur corps. Elle est tout entière dans sa tête. Les animaux sont tout entiers dans leur corps. La petite chouette. C'est que les animaux ont la tête dans leur corps et à la corps dans sa tête. C'est que les animaux ont la tête dans leur corps et elle a le corps dans sa tête. Le corps dans sa tête. La varvote. Elle pense qu'elle est tous les animaux à la fois. Elle pense qu'elle est tous les animaux à la fois. La baleine. Et Eh bien, voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie des artistes Martha Fosberg autour de son album intitulé « Chanter pour l'autre » paru sur étiquette Warm Winter, Niokabi Kariuki et son album intitulé « Peace Places »,« Kenyan Memories » et Johan Etu pour cet album intitulé « Ella, son mot à dire » paru sur Ambiance Magnétique. Et grand merci aux artistes et collaborateurs, collaboratrices de nous avoir permis l'écoute de leurs œuvres. Vous retrouverez les références aux créations entendu ce soir sur le site La Croche Oreille. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 21h, pour une autre aventure sonore. On termine la soirée en compagnie de Johan Etu. Voilà, depuis les studios de CKRL, dans le quartier Limoilou à Québec, au microphone, c'est Gaëtan Gosselin qui vous salue. Mes ongles poussent, mes poils tombent, mes dents jaunissent. Vivre de quotidien. Mon corps sue, mes tempes battent, mon sang coule. Mon corps sue, mes tempes battent, mon sang coule. Vivre de quotidien, vivre de quotidien. Crève mes boutons, mes symptômes, ma peau plisse qu'elle supplisse. Vivre de périssable, vivre de périssable. Mes os cassent, ma voix craque. Mon dos court, je suis friable. Je suis friable, je suis friable. Mes yeux pleurent, mon sexe mouille. Mes yeux pleurent, mon sexe mouille. Mon ventre souffre. Je suis vivante. Je suis vivante. Je suis vivante. Hey! Hey, wow! Hey, wow! Hey! Oh! Yeah, wow! Yeah! Yeah! No! Je suis maganée. De la tête aux pieds, des pieds à tête. Je suis maganée pour rien qu'un peu. Flotti pas la tout qui ressouve, flotti pas la tout qui ressouve, flotti pas la tout qui ressouve, flotti pas la tout qui ressouve, flotti pas la tout qui ressouve, flotti pas la tout qui ressouve. Je suis maganée. Du cœur aux artères, des artères au cœur dans tous les sens. Je suis maganée. Je suis maganée. Flotti pas l'idée qui revient. Flotti pas l'idée qui revient. Oh, hey, flotti pas l'idée qui revient. Flotti pas l'idée qui revient. Flotti pas le plaisir qui revient. Flotti pas le plaisir qui revient. Yeah, wow, t'es bravo, t'es. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, la vie est là, la vie est là. Ouais, shake up. Mais c'est bien que tu as oh, yeah. Elle est vivante. Elle est vivante. Elle.